D'un seul coup, l'introduction dans cette 10e année de festival de l'animation. Bah, l'animation était peu représentée au festival durant 10 années. On n'avait pas eu l'occasion malheureusement de montrer des films d'animation en compétition. D'abord parce qu'ils sont rares hein, dans ces durées-là, de 30 à 60 minutes. Il y en a très très peu, on en a reçu très très rarement. Et donc je m'étais dit, c'est dommage, on s'est toujours intéressé à la fiction, à l'expérimental, à l'anime, au documentaire, pardon, et jamais à l'animation. Donc il faut voilà, ne pas oublier ce pan entier de l'histoire du cinéma. Et puis, c'était aussi l'idée de faire un cadeau aux spectateurs, c'est-à-dire que leur montrer du coup quelque chose qui était rare sur les 10 dernières années et de leur montrer voilà des chefs-d'œuvre si possible de ce cinéma-là. C'est vrai que l'animation a une image aussi pour le grand public assez ludique. Alors c'est pas toujours le cas, c'est très divers en fait comme dans la fiction traditionnelle par exemple. Mais je m'étais dit voilà ils vont avoir envie de découvrir ce pan-là. En se disant, bah voilà, l'animation, c'est peut-être facile d'accès, et ça l'est d'une certaine façon aussi. Donc, c'était un peu un cadeau que de montrer quelque chose d'un petit peu exceptionnel, sur lequel j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Mais c'est vrai qu'on a peu de films soumis à la compétition en animation, donc c'est pas certain. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'offrir des perles rares. Oui, donc c'est pour ça donc que dès l'ouverture, il y a 1895 de Prix de Parme, qui n'est pas un auteur a priori facile. Oui, enfin, l'arrivée de Prix de Parme dans la sélection, c'est grâce à Francis, hein, et puis c'est un peu un hasard que, voilà, Francis m'avait proposé 2 Prix de Parme, voilà, donc j'ai plutôt eu un coup de cœur sur ce film-là. Après, une fois que j'ai toute la sélection film d'animation, mais aussi les autres panoramas, les autres rétrospectives, je regarde qu'est-ce que je mets en ouverture, voilà. C'est vrai qu'on fait une large place à l'animation avec les ciné-concerts, avec les films pour les scolaires, et puis ce focus en particulier. Je me suis dit c'est cohérent de mettre l'accent même à l'ouverture sur l'animation. Donc je regarde tout ce que j'ai, je me dis 1895, film hommage aux frères Lumière, ça me paraît parfait. Même si c'est vrai que c'est pas un film facile, d'abord parce que c'est très dense, ça parle beaucoup en voix off. Donc beaucoup de sous-titrage du coup, puisque le film, la voix off est en anglais, ceci dit, voilà, et pas en estonien, mais en anglais. Mais je me suis dit, ça va pas être évident, et en fait, ça s'est très très bien passé. J'ai vu à la soirée d'ouverture, d'abord j'ai senti dans la salle que les gens réagissaient, riaient, voilà, ils ont suivi très très bien. Après, sortie de salle, les gens m'ont dit, waouh, hein, on a vu quelque chose de très étonnant. Voilà, très drôle, certes très dense, très rapide, et en même temps, on peut piocher aussi, on peut sauter 30 secondes et se raccrocher quand même au film très très vite. Donc, non, ça a très bien fonctionné. Mais ceci dit, c'est aussi parce qu'on a un public ici qui sait que il faut faire un effort de curiosité et d'ouverture ici. Voilà. Même s'il n'a pas l'habitude de voir des films plus pointus, difficiles, par exemple, on leur montre parfois des films expérimentaux quand même assez, voilà, assez radicaux, hein. Donc, mais c'est un public qui a envie de découvrir, qui va pas sortir des salles au milieu. C'est très rare, très très peu de gens et même à très peu de séances en fait. Ils ont envie de voir. Je vais vous dire à la fin, peut-être ça me plaît pas, mais j'avais envie de, voilà, j'ai essayé de comprendre le projet du réalisateur, ou alors, et en dire à la fin, oh, j'ai jamais vu un film pareil, c'est très bizarre, mais il y a des choses qui m'ont parlé, et des choses qui m'ont plu. Voilà, ça c'est la chance que j'ai d'avoir un public qui est vraiment, ouais, qui a une envie de découvrir quoi en fait, qui est très très très très ouvert, très tolérant à plein de choses, donc. Voilà, le film de Prix de Parme en ouverture, moi ça me semblait, c'était un peu un pari, mais pari qui, je crois, a très bien fonctionné. Francis, toi qui est un petit peu entre les deux justement, on sait bien, on a souvent parlé, à la fois entre la prise de vue réelle et l'animation, est-ce qu'en préparant cette programmation, tu avais ça en tête, tu avais le public, parce que tu étais déjà venu l'année dernière, est-ce que c'était quelque chose qui était Présent à présent à l'esprit. l'esprit, ouais, pour en disant, bah tiens, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là, ça va être plus accessible En au fait, moi public. j'ai très envie de dire que mon premier spectateur, en fait, c'était Sébastien, quoi. Parce que j'ai vraiment le. Après, le fait d'être très content d'avoir cette proposition faite par Sébastien, de me dire bah super, voilà, on va pouvoir. En plus, il n'y en a jamais eu pendant 10 ans, donc du coup, on va pouvoir tout se permettre pratiquement, j'ai envie de dire. C'était de me dire bah voilà, je l'inonde de films quelque part, parce qu'en plus, il y avait les séances jeune public à programmer, le ciné-concert, et donc effectivement, je l'inonde, et en même temps, je me dis. Moyen métrage en animation, heureusement qu'on peut faire du patrimonial et qu'on va pouvoir démarrer dans les années 30 jusqu'à nos jours, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, on le sait tous, quoi. 15-20 minutes, et après on passe à des longs métrages, même de courte durée, quoi, d'1h10, 1h15. Donc, au moins, de ce côté-là, on a beaucoup de choses, et de me dire, donc voilà, j'ai des propositions à faire à Sébastien. Il faut qu'à la fois j'aille sur des coups de cœur personnels, donc qui vont être des films plus récents, des films comme Pierre ou Mademoiselle Remarquable et sa carrière, et en plus intéressant parce que comme sont des femmes qui sont derrière ces films, bah voilà, on va pouvoir aussi montrer que dans l'animation, nous on le sait, mais qu'il y a des réalisatrices et que c'est un pan important, même si par contre du côté patrimonial, c'est peut-être moins représenté. Bien sûr, on va dire, mais il y a l'auteur Henninger. Oui, d'accord, mais bon, autour, il y a beaucoup d'hommes, et d'un seul coup, voilà, il y en a une qui, dans le cinéma d'animation, entre guillemets, primitif, émerge. À la limite, ça va être comme Alice Guy pour la prise de vue réelle, quoi. Donc, c'était vraiment dire, bon, bah voilà, je fais plein de propositions, et j'accompagne ces propositions du fait de dire à Sébastien, ça. Je pense que c'est un panorama qui va être large, qui va reposer autant sur des coups de cœur que sur des grands films incontournables et donner accès au compte des comptes de Yuri Nordstein, c'est quand même primordial, quoi, par exemple. Sauf que quand tu te dis en effet 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure, qui est donc la durée du moyen métrage, ça c'est une vraie problématique. En effet, on a les 25 minutes énormément, par exemple les spéciaux télé, mais finalement il y a peu de films une demi-heure où rapidement on va être à 1h05, 1h10 et on va rentrer dans la case plutôt long métrage. Est-ce que ça, par exemple, toi Francis, ça a été une complexité? Il y a plein de films où tu t'es dit, ah celui-là j'adore, ah non il fait que 26 minutes, ça, ah il fait que 25, enfin. En fait, je l'ai dit autrement, et comme là on parle dans le cadre de Bulle de rêve, par exemple, en fait je me le suis dit autrement, je me suis dit quand même, je montre le film à Sébastien, on en parle en disant, voilà, j'ai dit très nettement à Sébastien tout de suite, sur la prise de vue réelle, qu'effectivement ça démarre à 30, je comprends très très bien, je pense que pour l'animation, il faut qu'on remonte le curseur, faut qu'on aille. 25, allez, et ok, je m'arrête là, je ne vais pas à 22 minutes, bah, tant pis, même si c'est bien, mais qu'on remonte un peu, parce que sinon on va passer à côté de choses, on va passer par exemple à côté de l'idée de Bartoche, et avoir cette exceptionnalité de le montrer, ce serait dommage de se la refuser, quoi. Toi, Sébastien, ça a été une facilité, parce que je suppose qu'il y a des puristes Mais non, mais moi je du suis moyen-métrage. un ayatollah de 30-60 minutes, donc tout de suite je lui ai dit non, non, non, non, non, Francis, attention, le public va pas comprendre quand il va voir dans le catalogue marqué 26 minutes. Et puis bon, après, très vite en fait, je lui ai donné une souplesse parce que je comprends, voilà, la problématique économique de ce format-là, et je voulais pas non plus me priver de films magnifiques, donc je lui ai dit ok, on fait une exception. Je l'ai déjà fait cette exception par ailleurs, parfois, pareil, parce qu'il y avait des films, je voulais absolument les montrer. Pas dans la compétition. Dans la compétition, je reste très strict sur 30-60. Il y a d'autres festivals qui font ce travail en dessous de 30, qui le font très bien, ils sont très nombreux en plus. Voilà, je veux préserver la compétition pour ces films qui ont beaucoup de mal à être vus ailleurs. Donc, sur les rétrospectives, les thématiques, j'autorise ça, et peut-être même dans l'avenir, on s'autorisera plus facilement à aller carrément sur du court ou du long dans les rétro thématiques. On est resté pendant 10 ans assez relativement strict tout de même, mais là c'était il n'y avait pas de souci pour donner accorder à Francis cette souplesse. Et puis de toute façon les films parlaient d'eux-mêmes quoi. Voilà, je voyais certains films, en effet je me disais l'idée, mais plein d'autres. Hein. On a beaucoup de 26, 27, 28, 29. Hein. Voilà. Le public, il veut voir quelque chose de fort, c'est tout. Et là, on a de quoi lui proposer, donc. Est-ce que ça, toi, tu as eu des surprises en tant que plutôt connaisseur de prise de vue réelle et d'un seul coup dans les films que t'envoyais Francis en disant ça, faut absolument regarder ça et ça. Est-ce qu'il y a des choses où toi, tu as eu des vrais coups de cœur? Ah bah oui, mais d'ailleurs, Prix de Parme, par exemple, j'ai envie d'en voir d'autres, ça c'est sûr et certain. J'ai aussi envie de voir d'autres films Uloï. parce que voilà, je ne connaissais pas en dehors d'intolérance, quoi. Et puis oui, j'étais surpris de. Même Mademoiselle Remarquable, de la liberté de ton, en fait, je sais pas, je connais vraiment très très peu l'animation, même en long métrage. Donc voilà, c'est un support qui est assez éloigné. Même, en fait, moi, même enfant, j'ai l'impression que je suis passé assez vite, très tôt même à la prise de vue réelle, comme une idée de bon, je suis plus un enfant maintenant, ça suffit, j'arrête de regarder ce qu'on appelle quand on est enfant des dessins animés, même si j'avais vu tous les Disney, etc. Et puis je suis pas une génération où on a connu Pixar, enfin tout ce renouveau en fait de cinéma d'animation. Je pense que ça aurait été différent. On n'a pas connu non plus l'animation japonaise, enfin voilà, très particulier. Et je m'y suis pas penché comme cinéphile plus que ça. Donc voilà, j'étais plutôt friand de voir tout ce qu'il allait montrer. Du coup, j'avais pas d'a priori. C'est ça qui est bien. C'est que j'avais pas d'a priori. Je me disais pas, ah, tel cinéaste. Voilà, je savais pas. Je connaissais pas. Donc c'était parfait. Enfin, quasi pas. Donc voilà, c'était une découverte à chaque fois. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que il y a tellement de techniques différentes d'animation. Je le savais, mais à la fois, voilà, tout ça n'était pas forcément très très clair. Et encore, je pense qu'il y a des, comme en plus ça se mélange. Enfin voilà, il y a des spécificités bien précises. J'avais pas conscience de l'ampleur des outils dont dispose un réalisateur d'animation, quoi. Donc je suis un peu jaloux en fait parce que bon, moi je fais par ailleurs des films en prise de vue réelle. Et c'est vrai qu'ils ont entre les mains toutes les possibilités du monde, quoi, en fait. Même si, évidemment, après ils vont me dire ça coûte très cher, c'est très long à faire, etc. Ça j'entends et j'imagine, mais quand même, voilà, le fait d'avoir une imagination illimitée, d'une certaine façon, toutes les possibilités du monde, bon, bah, c'est absolument génial. Et des fois, je me dis, ah bah voilà, telle histoire, en fait, si je savais dessiner, ou alors faudrait que je travaille avec quelqu'un et je pourrais faire comme des gens qui se disent. Je ne vais pas faire un roman, je vais faire une BD qui travaille avec un dessinateur. Ça, je trouve ça génial et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de cinéastes que ça qui se sont dit ça d'ailleurs. Que je vais travailler avec un réalisateur d'animation et je vais faire autre chose, mais qui soit pour autant une œuvre très personnelle. Enfin voilà. J'ai l'impression que, de toute façon, c'est très clivé, quoi, encore, quoi. J'ai l'impression que l'animation est encore un peu dans son coin, même en termes de production. Et je pense aussi que nous, on n'est même pas identifié comme un festival qui peut montrer de l'animation. Et j'espère que du coup, ça va changer un peu avec ce focus. Parce que je ne peux pas croire quand même qu'on ait reçu, parce que sur 10 ans, je suis sûr que j'ai dû voir, mais peut-être 3 films d'animation sur 500 films que je reçois tous les ans. Donc je pense qu'on n'est vraiment pas identifié comme un lieu pouvant accueillir un film d'animation en compétition. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le faire. Pour l'instant, bon, bah. Malheureusement, j'ai pas les 3-4 que j'ai vus nous ont pas séduits au point de. Voilà, mais j'aimerais vraiment. Ce travail, on l'a fait avec l'expérimental aussi, où il a fallu dire attention, après, ce n'est pas de la fiction traditionnelle. Et c'est toujours le cas pour voilà, les niches qui sont en dehors de la fiction traditionnelle prise de vue, qui écrasent quand même voilà, la production cinématographique d'une certaine Sauf façon. que, est-ce qu'il est possible, justement, qu'on a si peu d'animation et qu'on on l'a dit, c'est un format qui est finalement assez peu répandu dans l'animation. En effet, c'est difficile de tenir par rapport à la prise de vue réelle, où il y en a beaucoup plus, et donc forcément aussi de meilleurs films. Enfin, c'est juste une question de Oh, prorata, je non? sais pas si c'est le meilleur film. En tout cas, moi, j'ai aucune angoisse avec le fait de mettre un film d'animation dans la compétition, dans les 23 films, au milieu de fiction traditionnelle, enfin prise de vue réelle, ou de documentaires, ou d'expérimentaux. On l'a fait depuis le départ. Ce sont des films, tout simplement. Ce sont des auteurs derrière. Ils utilisent l'outil documentaire, l'outil fiction, l'outil d'expérimentation. Il y a aussi plus de films qui croisent ces différents outils. S'il y a un film d'animation, voilà, ça raconte une histoire. J'ai aucun problème à les mettre ensemble pour qu'ils soient jugés entre guillemets par un jury. Voilà, ça me dérangerait pas. Enfin, et ça, j'y tiens. Enfin, on l'a fait dès la première édition, c'est de mettre de la fiction, du documentaire, de l'expérimental, tout ça ensemble. Au début, ça décontenançait un peu les jurys. Je me souviens, ils me disaient souvent ouais, c'est bizarre. En plus, ça se faisait un peu moins il y a 10 ans. Maintenant, on voit bien, ça s'ouvre un peu partout. Et le public n'a jamais eu le moindre problème avec ça. Le public, lui, tout ce qu'il attend, c'est racontez-moi quelque chose. C'est un documentaire, c'est un exp expérimental, pareil. Si ça m'emmène, si ça me raconte quelque chose, si c'est de l'animation, et de l'animation, pareil, il y a l'image de l'animation qui serait que pour les enfants, etc. Là, je pense que le public a bien vu que bah non, c'est pas que ça. Mais ça change aussi parce qu'il y a maintenant beaucoup d'adultes qui lisent de romans graphiques, de la BD, qui regardent du film d'animation. Donc, je me dis, voilà, il faut qu'on montre que. Mais clairement, on le fait, ceci dit, hein, de mettre en compétition l'animation avec la prise de vue réelle. Mais voilà, qu'on le fasse ici, moi, j'en serais ravi. Hein. Francis, justement, ce qui me paraissait intéressant, c'est que dans un festival de moyen métrage, donc finalement d'une durée dont on parle assez peu, hein, ça sort pas énormément dans les salles, même peut-être moins que les courts métrages, et parler d'animation dont on le sait bien, hein, on en parle souvent, est un cinéma dont on parle aussi assez peu, je trouvais ça intéressant finalement de les mettre dans ce cinéma-là. Est-ce que toi c'était un enjeu aussi ou pas tant que ça? Quand tu as réfléchi, Sébastien t'a fait la proposition. Je sais pas si c'était un enjeu, moi c'était un plaisir de me dire, bah voilà, d'un seul coup, là, pour 10e édition, ça va s'ouvrir à autre chose. Et c'est l'intérêt de montrer, bah voilà, justement, sur un festival où, par rapport au milieu de l'animation qu'on connaît bien, il n'est pas du tout assimilé à, et qu'il n'a pas forcément à l'être, parce que c'est un festival généraliste, c'est bien d'introduire l'animation et de travailler sur cette idée que, bah, l'animation, c'est d'abord du cinéma. C'est pas du cinéma d'animation. Et donc, bah voilà, après, c'est de se dire, dans le cinéma d'animation, qu'est-ce qu'on propose, comment on construit. Effectivement, peut-être le petit regret, mais parce que sur ces durées-là, il n'y en a pas, ça aurait été de me dire, ce serait extraordinaire d'avoir un film non figuratif, non narratif. Et que finalement, dès qu'on rentre dans ces durées, c'est devient beaucoup plus difficile, quoi. Juste, pardon, pour bien préciser ma question, c'était est-ce que justement le fait, comme Sébastien disait, qu'il y avait un public déjà assez ouvert pour venir voir des moyens-métrages, c'est-à-dire se dire je vais être dans un, voilà, dans une durée où c'est pas un quart d'heure et bon, si ça me plaît pas, je passe à autre chose, mais durer les 45 minutes et se dire je vais attendre la proposition qui m'est faite par un réalisateur, leur proposer justement un cinéma qu'ils ne connaissent pas, est-ce que justement le challenge était intéressant de se dire bon ben, j'ai des gens qui sont peut-être plus ouverts que si j'allais dans un festival. Peut-être, je sais pas, de long métrage ou de court métrage traditionnel. Là, honnêtement, je ne sais pas. J'avoue que je me suis pas forcément posé effectivement cette question. Je me suis plus posé la question finalement, à contrario, de dire, je sais que je suis dans un festival qui travaille aussi sur une durée. C'est les rencontres européennes du moyen métrage de Brive, quoi. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai comme principal challenge, disons, c'est de trouver à l'intérieur de cette contrainte les choses importantes. Et donc, allons à la recherche des choses importantes, quoi. Et c'était vraiment, vraiment mon souci, quoi. C'est arriver à construire. Au bout d'un moment, avec Sébastien, on s'est mis d'accord sur l'idée de 6 programmes. C'était de dire arriver à construire 6 programmes et surtout 6 programmes qui se tiennent, quoi. Qu'on se dise pas d'un seul coup, il y a un film, ça vient un peu remplir, quoi. Après, on peut ne pas aimer les films, on peut avoir des réactions diverses et variées, je sais pas, sur le Comte du Monde Flottant d'Anna Escal ou sur Angeri Trinca, mais surtout de se dire, par contre, la sélection, il y a 11 films, elle est assumée. Est-ce que du public ça va? Est-ce que du côté d'autres organisateurs ou des gens ou de la presse ou je sais pas, des gens qui ont dit mais pourquoi vous mettez de l'animation? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on freinait un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas eu du tout cette réaction-là. Après, je sais pas en presse, disons généraliste, du coup, comment ils vont prendre en compte dans leur compte rendu l'animation. Ça, c'est une chose. Je me demande en fait. Je sais pas trop. Est-ce que les cahiers, les Inrocks, ou Libé, ou je ne sais, enfin voilà, ou Independencia, etc., vont se pencher là-dessus, en fait. Je me demande, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a, dans l'animation, il y a un peu les. Mais il y a ça aussi dans le documentaire aussi, hein. Il y a les spécialistes, il y a les revues spécialisées, il y a le. C'est des. Voilà, des réseaux parallèles et par définition ils se croisent pas souvent quoi du coup ils se croisent pas quoi donc moi j'avais aussi envie de rappeler juste ben voilà on peut aussi montrer ça et ben, il y a des chefs-d'œuvre voilà Francis Gavel m'a proposé un certain nombre de films il y a une contrainte très forte en effet c'était une douzaine de films donc on est à 11 films et ça c'est quand même dur hein, de réduire, même si on n'a pas énormément de films dans cette durée. Enfin voilà, faut. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque film soit presque, comment dire, une évidence, même si on peut ne pas l'aimer, mais une évidence parce qu'il montre soit une technique, soit un courant, soit parce que le réalisateur est un incontournable de l'histoire du cinéma d'animation. Donc c'est très compliqué, hein, à chaque fois de, voilà, de ramasser sur 12 films. C'est forcément, on fait des impasses énormes aussi, forcément. J'imagine qu'il y a plein de cinéastes qu'on n'a pas évoqués, c'est même sûr. Hein, voilà. Mais non, moi je n'ai pas eu de, en tout cas de surprise, si ce n'est de ah ouais, tiens, voilà. Ah tiens, c'est bien. Ah bon, d'accord. Donc on est plutôt dans la bonne surprise Oui, pour voilà, c'est l'instant, ça. dans pas l'émerveillement, parce que c'est un peu trop facilement ce qu'on dit sur l'animation, le Oui. côté magique, mais il y a un petit peu de se dire, comme tu disais, c'est ah ben tiens, ils ont plein d'outils à leur. Ouais. Ils utilisent plein d'outils différents, et donc c'est étonnant finalement les propositions qu'on peut avoir des gens de l'animation, quoi, quelque part. Mais hier soir, on a fait un ciné-concert avec trois films d'animation. Alors là, sur des durées plus courtes, parce que sur le ciné-concert, je n'ai pas les mêmes contraintes. Je peux me permettre vraiment de montrer des durées très différentes. On a fait toutes sortes de formats d'ailleurs sur ce ciné-concert. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu émerveillement. Et que, bon, je pense que sur un ciné-concert qui se veut un événement populaire, on est forcément. Parce qu'il y a les musiciens qui accompagnent en live, là, en l'occurrence, c'était des choristes. En live, le film avec du chant, avec des bruitages. Il y a toujours ce côté émerveillement, parce qu'on est dans un spectacle, en fait. Et l'animation se prête parfaitement à ça, quoi. Il y a quelque chose de ce fameux truc de, on retrouve un peu l'enfance, même si on a des films très adultes, en fait. C'est ça qui est assez étrange. Moi, j'avais dit à Francis, mais tiens, est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, des films d'animation documentaire? Et il m'a répondu, sur ces durées-là, malheureusement, je vois pas. Donc, ça, c'est par exemple quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ici, imagine, en fait, il y a un effort intellectuel à faire pour se dire qu'il peut y avoir du cinéma d'animation documentaire, quoi. Que même moi, je ne connaissais pas il y a peut-être 15 ans, je ne savais même pas que le terme existait. Quand on nous apprend le cinéma, enfin, quand on nous fait découvrir le cinéma, par exemple, moi, au lycée, en option cinéma, jamais on m'a parlé de. Cinéma d'animation documentaire. Et même de cinéma d'animation, on nous en montrait très peu. Alors par contre, on disait, ah mais il y a l'expérimental, faut voir ça. Voilà, et on nous montrait des trucs, on était là, ah au secours, il faut nous expliquer, monsieur. Mais voilà, mais on nous parlait pas d'animation, parce qu'on partait du principe encore, il y a 20 ans, quoi. J'ai l'impression que soit on les avait déjà vus en dehors, et que voilà, soit que c'était encore un truc un peu. C'était pas tout à fait. Du vrai cinéma encore, enfin, en tout cas les vieux professeurs que j'avais avaient pas l'air de vouloir considérer ça, quoi. Donc c'est vrai que ouais, pour l'animation, j'ai l'impression qu'il y a un boulot énorme encore à faire, même si il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais à faire sur le fait que l'animation, ça peut être aussi des histoires dures, de l'animation de genre aussi, j'imagine, de l'horreur, bon, la science-fiction, on l'imagine plus facilement, mais pourquoi pas de l'horreur ou de l'érotique, il y en a, enfin voilà quoi. Et montrer que tout ça est très large, moi j'aimerais beaucoup le faire, mais voilà, j'ai l'impression que le grand public n'a absolument pas conscience, il ne voit qu'un tout petit, parce que moi j'en fais partie, pour le coup par rapport au cinéma d'animation, qu'un tout petit segment minuscule et ne connaît pas ses possibilités immenses, quoi. Alors là, bon, on l'a essayé modestement, quoi. C'est pour ça que présenter quelqu'un comme Isu 3, c'était quelque chose d'important justement par rapport au genre. Bah, Francis? le fait de présenter Izu, alors effectivement, là c'était dans les séances jeune public. Moi, Izu, c'est quand j'ai proposé donc pour les collèges à Sébastien, c'est parce que pour moi c'était un mélange d'éléments. C'est que à la fois, je pense que Izu 3, c'est un grand conteur, qu'il a un intérêt fort pour l'écrit. Alors dans le Bûcheron des mots, effectivement, c'est parce que bah voilà, les rebelles finalement ont les livres qui s'inscrivent sur leur peau. Et puis dans ceux d'en haut, c'est parce qu'on est dans une adaptation de Maupassant. Et tout ça faisant, après, il y a aussi voilà une dimension de récit fantastique à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, bah, c'était aussi ouvrir vers autre chose. Et puis alors j'avoue qu'après, pourquoi d'un seul coup c'est devenu une espèce d'illumination, ça c'est peut-être plus de la cuisine, c'est de me dire. collèges, les instituteurs, les professeurs, pardon, on va leur dire Maupassant, tout ça. Ils vont être, ah bah oui, ça c'est l'importance de l'écrit, oui, ça c'est important, allons-y, quoi. Et donc, du coup, bah voilà, et ça, par contre, c'était très agréable de la part de Sébastien, c'était tout de suite de dire. Bah, ce qui serait extraordinaire, sachant que le festival n'est pas non plus un festival de films d'animation, que comme tout festival, il y a des questions de budget, mais c'est de dire tout de suite, très spontanément, invitons le réalisateur pour qu'il vienne parler de ses films. Et ça, voilà, je crois que c'est aussi très important, c'est que ceux qui font les films, ce qui est le cas sur les films en compétition, où les réalisateurs sont là et sont à la rencontre du public, et bah, que pour, dans le cadre de toute cette présence de l'animation, quelque part, il y ait. Au-delà du critique, journaliste qu'on voudra ou programmateur qui vient présenter avec ses mots à lui, mais qui lui met pas les mains dans le cambouis, c'est qu'il y a quelqu'un qui dise, bah voilà, moi je travaille comme ça, comment je construis un récit, comment je travaille techniquement, graphiquement. Ça, c'était important. Et parce qu'en plus, je pense que de l'autre côté, dans ce cas-là, les jeunes, eux, sont sans doute très friands. Et le festival, à ce niveau-là, pour faire le pont avec le reste du festival, parce que l'animation n'est pas à part dans le festival, elle est dans le festival, elle est inclue dans le festival. Et ben c'est voilà, tous les matins, il y a des programmations à destination des écoles, collèges, lycées, et il y a des rencontres avec les gens qui sont ici. Il y a des rencontres, effectivement, sur le métier d'actrice. Cette année, ben, c'est avec Adélaïde Leroux. Isabelle Prime vient présenter son film, en parler avec les jeunes, bah voilà, et Isoutroin, bah lui aussi vient en tant que réalisateur d'animation présenter son travail. Hier soir, t'as une spectatrice, j'étais avec toi, qui est venue te voir et qui dit, oh, j'avais pas vu l'intolérance, c'est étonnant et tout. Filme, enfin, pas forcément filme l'œil, mais en tout cas, elle parlait de la réaction qu'elle avait eue. Est-ce que tu en as eu, toi? Ah oui, Je parlais de alors. la presse, est-ce que tu as eu des spectateurs, des spectatrices qui sont venus te dire, oh, pourquoi vous nous avez montré ça ou ce genre de Non, choses? alors j'ai eu. Là, par contre, alors ça, c'est une vraie anecdote. Quelque chose d'étonnant, donc une spectatrice qui vient me voir, en plus c'était donc mercredi, je suis arrivé mercredi, et on présente Pierre, qui est un film slovaque, donc opéra contemporain, tragédie, histoire d'amour, qui se passe donc dans une carrière où une femme vient rejoindre son mari qui est contremaître, et puis cet homme complètement bourru, qui a plus l'habitude d'être en présence de sa femme, la rejette, s'occupe pas d'elle, en fait il la rejette pas, il s'en occupe pas. Et puis elle, ben, d'un seul coup, va vers un autre homme. Et c'est un film quand même qui est sur le travail, quoi. Il y a aussi ce côté dimension monde du travail. Et donc, une spectatrice vient me voir, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle me dit, non mais ce film, il est vraiment très très bien, mais on peut pas le montrer en usine. J'ai fait, mais pourquoi? Mais parce qu'à la fin, elle devient comme une sorte d'ange. Donc, c'est quelque chose de religieux, donc on ne peut pas montrer ce film-là en usine. Bah, je fais, pourquoi on ne pourrait pas le montrer en usine? Je sais pas, moi par exemple, mon émission, je la fais de cinéma, je la fais à Radio Libertaire, donc la radio de la Fédération anarchiste. Et ce film, j'en ai parlé à Radio Libertaire, donc, et ça a posé de problème à personne. Donc pourquoi vous ne pourriez pas montrer ce film-là en usine? Puis en usine, je n'ai pas pensé à lui dire, mais alors, à une époque, en usine, il y avait des prêtres ouvriers. Donc, et puis tous les ouvriers peuvent être communistes, mais ils peuvent être aussi catholiques. Et pourquoi ils ne pourraient pas voir ce film sur le monde du travail, mais aussi qui est une tragédie amoureuse, quoi. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est l'anecdote qui va me rester. Donc c'est-à-dire qu'il y a des réactions en effet de ce public finalement intéressantes de cette dans cette ouverture. Moi, j'ai pas eu de réaction directe, j'ai eu des réactions de spectateurs. Parce que aussi, j'ai beaucoup de spectateurs arrivent qui sont, alors ils sont très curieux, mais souvent très intimidés quand. Parce qu'ils ne sont pas des cinéphiles, ils n'ont pas l'habitude de parler de films, de cinéma. Ils viennent simplement me dire, oh, c'était vraiment très très beau ce qu'on a vu. C'était très bien, c'était un peu dur, mais c'était très très bien. Ils le disent très. Parce que, mais je pense que c'est le public d'ici hein, qui est comme ça aussi, qui est pas très très comment dire, expansif, qui est plutôt dans l'écoute, dans la curiosité. Ils écoutent beaucoup les réalisateurs. Ils applaudissent, mais ils vont pas rire non plus aux éclats, ils rient un peu, enfin, il y a un truc comme ça, très humble de nous, on n'y connaît pas grand-chose, vous savez. Mais là, quand même, j'ai fait quelque chose qui. Voilà. Alors, ils m'ont dit, ah oui, on a vu des films d'animation, ah oui, c'était vraiment bien. J'ai plutôt aimé plus celui-là que celui-là, mais voilà. J'ai pas de commentaires souvent au-delà de ça, mais voilà, c'est parce que c'est vraiment des gens de très grand public. Et ce qui prouve bien que j'ai pas des cinéphiles. Comment dire, des cinévores hein, qui vont commencer à se faire tout un tas de réflexions sur ah, ça me rappelle tel film, etc. Ils le prennent comme un plaisir simple. Voilà, et ça j'aime bien en fait, moi. Comme quand ils vont manger dans un bon restaurant de la ville, comme chez Francis ce soir, et ben ils apprécient juste voilà, ce moment-là en fait. Et ça Alors, j'aime bien. je fais une petite parenthèse, mais pourquoi alors les spectateurs veulent autant, ce que disait Francis, entendre le réalisateur parler, qui des fois, j'ai quelqu'un bénévole qui disait, oh, je suis resté hier soir et la restauration m'a tellement mal parlé et j'étais encore plus embêté par rapport au film, pas tellement mal parlé, mais elle expliquait pas Pas forcément bien. très bien et des fois un réalisateur a du mal, on sait bien, parce qu'il met des Ouais. fois tout dans son Ouais. film. C'est encore difficile que le spectateur finalement prenne, ça c'est une petite parenthèse presque, mais prenne le film pour lui et finalement se disent bon bah voilà, c'est moi qui me projette dedans, enfin. Moi, le projet à la base, hein, c'est d'abord le festival est organisé par la Société des réalisateurs de films. Donc l'idée était évidemment de mettre le réalisateur au centre du festival. Et que moi, en tant que délégué général, j'essaye en tout cas d'être le lien entre le public et le film et le réalisateur, quoi. Voilà, donc l'idée que tous les réalisateurs, par exemple, en compétition soient invités, présentent leur film, débattent de leur film, est extrêmement importante. Après, je sais bien qu'il y a des réalisateurs qui font ça, qui sont très brillants en débat, d'autres qui sont très mauvais. Voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres, il y en a même qui refusent, hein, parfois, ils disent, ils refusent pas les questions-réponses, mais ils disent, moi, je vais pas commenter moi-même mon propre film. Donc, en début de projection, j'ai rien à dire, je dis bonjour, quoi, c'est tout. Et après, je réponds aux questions s'il y en a. Et même parfois, ils disent, ben oui, votre interprétation, elle est, pourquoi pas, elle est recevable, c'est très bien. Ceci, je pense quand même que les gens, c'est toujours pareil, c'est ce truc de, ah, mais je suis pas. Souvent, les gens disent, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait comprendre. Alors moi souvent, même par rapport à mes propres films, des fois je dis, mais écoutez, qu'est-ce que vous avez compris? Racontez-moi, dites-moi. Ben ça, ça, ça. Ben pourquoi pas? C'est bien, ça se tient. Ça se tient. Ça me semble tout à fait logique. Ça, par contre, je n'y avais pas pensé et vous me le dites et c'est super. Enfin voilà, vous construisez aussi le film parce que avec ce que vous êtes vous, donc c'est très bien. Et les gens sont. Mais parce que je pense on leur a fait peur avec la critique, avec le masque et la plume, où il y a des spécialistes qui disent ça veut dire ça, ça c'est. Et puis ça, c'est comme ça, et voilà, allez voir parce qu'on vous dit que c'est bien. Ou lire dans Télérama. Alors, il y a des gens, je pense à des paralysés, dès qu'on leur demande leur avis, ils disent oh là, je sais, j'ai pas les outils, quoi. Donc, ils sont contents d'avoir. Et en fait, ils attendent aussi beaucoup du réalisateur qui leur explique. Bon. Mais je pense qu'il se trompe. Le réalisateur n'est pas là pour expliquer. Il est là pour répondre à des questions, éclaircir deux, trois choses, dire. Il ne va pas expliquer, il ne va pas commenter. Mais ils sont sensibles au fait que les réalisateurs viennent aussi ici. Ils se disent, ah bon, ils viennent à Brive, alors. Quand ils viennent de Paris, ils font 4 heures de train aller, 4 heures de train retour, pour venir parler finalement en 15 minutes. Hein, donc, mais oui, parce que ça les intéresse, parce qu'ils ne sont pas indifférents au public, ils ont envie d'entendre les réactions, et je crois qu'ils sont assez touchés par ça. Surtout quand en compétition, c'est des jeunes réalisateurs, et ils sont étonnés. Et ils sont étonnés même de voir jeunes à la trentaine, quoi. C'est-à-dire que c'est assez abstrait, quoi. Ils voient souvent des réalisateurs installés qui viennent dans les salles ou à la télévision qui ont la cinquantaine, quoi. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens de 25, 35 ans qui font des films, des courts, des moyens, des longs. Ils sont assez touchés par ça, quoi. Je crois que. Voilà. Et on est dans une région où les gens sont toujours étonnés. Ils disent souvent, non mais ça, oh, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est pour nous, ça? C'est bien pour nous? Ah bon, ça vous intéresse vraiment de venir en parler? C'est très bizarre, hein. Il y a une espèce de truc. Oh, on n'est pas Paris, on est la province, hein, mais enfin quand même, parce que bon, voilà. Et je pense qu'au début aussi du festival, il y avait cette idée-là, c'était que, oh, mais le festival, est-ce que c'est vraiment pour nous? C'est pour les professionnels, non? C'est, voilà, non, non. Et ça s'est construit beaucoup sur le bouche à oreille, comme ça. Et le fait que les réalisateurs soient là, ils y sont sensibles, c'est pas juste, bon, on va vous montrer des trucs, mais il y a aussi quelqu'un qui vient vous voir, chez vous. Mais d'où l'importance aussi de l'aspect un peu patrimonial. La Yellow Beach, par exemple, Oui. cette année, c'est important aussi d'avoir justement ce Ouais, bah mélange. toujours, ouais. Depuis le départ, on avait des rétrospectives et thématiques parce que on montre le travail des jeunes cinéastes, mais rappeler que déjà le format moyen métrage, C'était pas une invention là d'il y a 10 ans ou une invention comment dire, de communication ou marketing. Non, non, non, c'est depuis les débuts du cinéma. En fait, les vrais débuts, enfin quasi les tout débuts du cinéma, ça commence par des très courts, mais très vite il y a du moyen. Et le moyen est la règle à cette époque-là, avec des doubles programmes ensuite, etc. C'était la norme. Après, le marché a imposé une autre norme avec la télévision, etc. Mais ça commence là, donc voyez, et puis regardez, quand on fait une rétro Renoir, ah tiens, il y a des moyens-métrages de Renoir, on montre que les moyens-métrages de Renoir. Fellini, ah tiens, des noms que les gens connaissent, même s'ils ne sont pas cinéphiles. Ah bon, ils ont fait des moyens-métrages, d'accord. Donc, je ne sais plus, Pialat, aussi des cinéastes contemporains, sur de la série aussi. On a fait le rapprochement avec la série en disant, mais vous consommez beaucoup de séries, ben, d'une certaine façon, c'est du moyen-métrage. Alors bon, c'est feuilletonesque, mais voilà. Mais feuilletonesque aussi, alors dans ce cas, je vais vous montrer Feuillade, Fantômas. Ou les vampires, j'aurais aimé, mais c'est trop long. Mais Fantômas, ça se prêtait bien, parce que j'avais, il y a 10 ou 12 épisodes. Voilà, sur 5 jours, c'est faisable, par exemple. Et les gens sont surpris. Ah bon, ah bon, et oui, c'est ça la série de l'époque. Quand on a montré les films de Todd Browning, les salles étaient pleines. Moi, j'étais surpris quand même. Donc il y avait une vraie curiosité, tiens Todd Browning, et je pense que les gens regardaient sur internet un peu, les synopsis leur ont donné envie parce qu'ils racontent des vraies histoires, des histoires fortes, étonnantes, et les gens ont adoré. On a fait tous les moyens-métrages de Michael Powell par exemple, pareil, carton, voilà. Donc c'est et puis évidemment aussi ça c'était dans l'idée de voilà d'être dans une forme de mission éducative hein, que j'ai depuis le départ sur bah, je veux bien que les lycéens aussi voient la maison des bois de Pialat quoi parce que je pense que ça peut leur parler que les retraités revoient Scène de la vie conjugale de Bergman. Je dis ça parce que c'était vraiment un public très âgé etc et ça s'est passé comme ça et que les jeunes découvrent Todd Browning en effet et ça a bien marché sur eux quoi par exemple c'était assez Chris Marker aussi pareil, voilà, tous les moyens-métrages, ou quasi tous les moyens-métrages de Chris Marker. Des choses rares, en tout cas, voilà, des choses qu'on ne trouve pas en DVD, qu'on verra nulle part ailleurs. Les gens sont très contents de ça, la rareté. Alors, si en plus on leur dit la Projo est en 35 mm, alors aujourd'hui, ah ouais, c'est une copie 35, quoi. Et ça, dans 20 ans, une copie 35, ça sera du caviar, quoi. C'est un festival plutôt européen? Oui, la compétition est européenne, hein. Ah, c'est la compétition parce que j'étais surpris de voir une représentante que j'aime beaucoup qui est Kawase Oui, Naomi. D'un seul coup, mais là, on voit des. ça c'est un peu particulier. Les règles sont faites pour être. Oui, exactement. Non, là où il y a vraiment des règles très précises, et c'est normal parce que c'est une compétition. Donc, une compétition, on fixe des règles et on ne peut pas en sortir. C'est sur la compétition. Sur la durée, c'est très ferme sur 30-60 minutes. C'est européen. Je ne prends pas en compétition un film américain ou quoi. Pourtant, il y a des intéressants en moyen métrage aussi. Voilà, sur la compétition, je suis obligé de. Après, j'ai le droit de prendre un peu des libertés. Et sur cette présentation de Happy Chapon, Virasta Cool et Naomi Kawase, c'est de montrer deux films très rares. Donc, c'est une nouvelle case qui s'appelle Perles rares. Parce que au cours de 10 ans, en fait, plein de fois, je me suis dit, ah, oh, mais il y a tel film génial de tel cinéaste. Ah oui, mais il a fait qu'un moyen métrage. Ou alors, c'est le seul vraiment bien. Et donc, je ne peux pas faire une rétro complète. Et je me disais, mais comment je vais programmer ce film? Je ne peux pas le balancer comme ça. Donc, je me suis dit, il faut créer une case, Perles rares, on peut en avoir une ou deux séances tous les ans, montrer vraiment des choses exceptionnelles. Voilà. Là, pour la première fois, on fait ça. On s'est concentré sur des cinéastes asiatiques, grands cinéastes d'aujourd'hui, quoi. Un qui débute et une qui est beaucoup plus avancée dans sa carrière, mais voilà, c'est l'idée. Ça n'existe pas en DVD, c'est quasiment introuvable, enfin invisible pour un public voilà, ici n'a pas de cinémathèque, n'a pas de festival, d'autres festivals. Donc voilà, ça intéresse 40 personnes ou 150 personnes, je ne sais pas, mais c'est à leur disposition. Dernière question, est-ce que je me trompe quand je dis que c'est une rencontre entre deux personnes aussi, le fait que l'animation arrive à Brive? J'ai l'impression que entre vous deux, voilà, il y a le plaisir d'être à Brive pour Francis et de découvrir ce festival, pas que la ville, hein, mais de découvrir le festival et pareil, la découverte. Je vais répondre. Puis Francis. tu peux. Non, Effectivement, la rencontre avec Sébastien, effectivement, c'est une chose importante et comment elle s'est produite jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc jusqu'à finalement, en gros, l'année dernière, on se croisait en festival, donc on se disait bonjour, on échangeait quelques mots autour de films, puisqu'à cette époque-là, je faisais les sélections pour la semaine de la critique, et puis on se retrouvait donc par exemple à Clermont, c'est une évidence. Et en fait, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble dans le cadre d'une commission CNC, qui est le prix de qualité. Et les commissions, c'est aussi des endroits où on rencontre des gens. Alors effectivement, on est là pour parler de films, pour donner des aides, et c'est important, bien sûr, on ne l'oublie pas, mais aussi bah, pour finalement rencontrer des gens, c'est une opportunité. Moi, je me suis retrouvé, j'étais très, très, très, très content parce que je me suis retrouvé dans un comité au début, bah, voilà, où il y avait Sébastien, puis Maya Afar, qui entre autres a produit Un monde sans femme de Guillaume Braque. Donc j'étais très, très, très content et très, très fier. Puis voilà, puis on s'est rencontrés à parler des films. Après, on délibérait en disant bah, qu'est-ce que tu penses de ça, de tel film, parce qu'on remontait ces films pour la commission plénière. Donc voilà, et c'est une rencontre, bah, oui, professionnelle et cinéphile, parce qu'on échange en étant parfois en total désaccord, ce qui ne gêne absolument pas. Et puis c'est une rencontre humaine en se disant, bah voilà, il y a quelqu'un que j'apprécie, des qualités. Et donc bah, le jour où ça arrive que Sébastien me dit, tu veux pas concocter quelque chose pour les 10 ans, bah évidemment. Oui, t'as pas envie de refuser parce que bah, tu es très content de cette proposition et qu'elle t'est faite par quelqu'un que t'apprécies. Ouais, parce que dans cette commission, on parlait de films. Alors, il y avait des films d'animation parfois, mais il y avait tout type de films. Donc j'entendais la façon dont il abordait les films, dont il en parlait. Et puis bah, moi aussi, du coup, d'accord ou pas d'accord, mais voilà, je trouvais que ce qu'il disait était toujours juste. J'étais pas d'accord, mais je voyais bien qu'il avait soulevé le bon truc, il avait tiré le bon fil, etc. Donc ça, déjà, je me dis, bon, bah, c'est bien, voilà, c'est pas toujours le cas. Des fois, on se dit, bon. Le regard que porte telle ou telle personne sur les films, ça m'est totalement étranger, enfin la façon d'en parler, bon, ça existait comme ça. Et puis après, ben voilà, on a fait plus connaissance, et moi j'invite que des gens que j'aime bien, quoi. Voilà, en tout cas pour présenter les films, pour le jury par exemple. Pour moi, c'est important d'avoir la compétition. C'est autre chose. J'invite un film d'abord. C'est autre chose. Je ne choisis pas les réalisateurs parce que je les trouve sympas. Pas du tout. Ça, c'est très différent, évidemment. Mais je veux dire, sur le jury, sur les intervenants, bah, je vais passer quand même quelques jours avec eux à Brive. Donc, c'est un petit peu chez moi, Brive. C'est un peu comme si je les invitais chez moi et dire, bah, voilà, on va passer les plats ensemble, quoi. Donc faut qu'on ait envie de, voilà, de se voir tous les jours. C'est du travail, mais pas que. On vit quelques jours ensemble. Donc et puis parce que je me dis, bon, par rapport au public, ça va très bien passer. Je sens un peu les profils qui vont mieux passer avec le public que d'autres aussi. Donc voilà, j'invite vraiment que des gens que j'ai. Soit des fois des gens que je connais pas bien pour le jury que j'ai envie de rencontrer. Parce qu'après tout. C'est voilà, c'est une chance de pouvoir inviter des gens et dire j'aime beaucoup le travail de tel cinéaste ou tel producteur ou telle actrice, bah, je vais les inviter et puis voilà, après il y a une rencontre humaine qui se fait ou qui se fait pas, mais c'est pas grave, j'ai ce plaisir là, cette possibilité là quoi. Et sur les intervenants, bah, je cherche des gens qui sont évidemment compétents d'abord, et puis en plus si ils sont sympathiques, agréables, bah, c'est formidable, voilà. Autant se faire plaisir. Un festival, c'est quand même beaucoup de plaisir. Et le plaisir de voir des films, de manger les bonnes choses, de faire la fête, de discuter avec des gens qu'on aime bien. Enfin, voilà quoi. Il faut qu'il y ait toujours cette dimension-là, quoi.